إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. On commence par le livre de Kitab al-Azkar de l'imam al-Nawawi. Donc on avait déjà fait la photo pour celui qui veut se le procurer. Il n'a qu'à remonter les messages. Et c'est un livre, un très très bon livre, un des meilleurs livres dans le domaine des azkar, on va dire, de l'évocation. Et c'est ce que je vous recommande et je vous conseille vivement et fortement. Et vous pouvez trouver les shurouh. Ahlan wa sahlan, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, on parlait de toi et ton frère, Samir. Je pense que c'est la journée, hein, normalement, pour lui. Donc, je dis, pour ceux qui ne sont pas là ou pour les nouveaux, ce livre, c'est un livre que je vous recommande. C'est un livre qu'en fait, il y a à lire et à relire et à lire et à relire. Et donc, et après, c'est Shuruhat, l'explication de ce livre-là, machallah, vous pouvez le trouver sur YouTube. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien de la chaîne du Cheikh en question. Il s'appelle Cheikh Abdallah Al-Hunayman. Imam Ouf Al-Madina. Voilà. Donc, on s'était arrêté dernièrement sur. Alors, Babu Sifatul Iqama, Al-Madhab Al-Sahih, le Madhab, c'est la voie, l'école, ou l'avis, on va dire, parce que là, Al-Madhab Al-Sahih, Al-Mukhtar, Al-Ladhi Ja'at Bihi Al-Hadith, l'avis, ou le Madhab, de toute façon, vous comprenez le Madhab. Le Madhab authentique qui a été choisi, qui a été, par lesquels les hadiths nous sont parvenus, concernant l'authenticité de l'Iqama, il est de 11 paroles. Il est constitué de 11 paroles. Ihda, ashara, kalimat. Ihda, c'est 1, ashara, 10, donc de 11 paroles. Et on va les citer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayy ala al-salah, Hayy ala al-falah, Qad qamati al-salah, Qad qamati al-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Donc, l'iqama, l'authentique, c'est ces paroles-là. C'est-à-dire que ça a été choisi dans tous les madahib, dans toutes les écoles. D'accord? Et ce qui est sorti le plus apparent, c'est ces 11 mots. Ce qu'il faut savoir, attention, c'est pas un livre de science. C'est pas un livre de science. Enfin, en soi, c'est un livre de science, mais c'est plus axé sur l'authentique des invocations qui sont connues et reconnues parmi les gens de science et qui concernent la vie du croyant ou du musulman. D'accord? Donc, livre, c'est pas un livre de science les détails de l'iqama, par exemple, par qui, de quel hadith ils sont tirés, ces mots, l'authenticité, la chaîne de transmission, et ainsi de suite. C'est pas le cas. C'est juste de connaître l'invocation d'une manière générale, et qu'est-ce qui est dit, et ce qui est le plus authentique. Al-Qaslu. Et ça, c'est l'imam al-Nawawi, comme je vous l'ai dit, qui a écrit ce livre-là. Al-Faslu, wa'alam anna al-adhan wal-iqama sunnatan indana al-ala madhhab al-sahih al-mukhtar, sawa'an fi dhalik adhan al-jum'a wa ghayriha, wa qala ba'du ashabina, wa'alam anna al-adhan wal-iqama, et sache que l'adhan et l'iqama, sunnatan, c'est une sunna chez les madahib, dans le madahib, dans les différentes écoles authentiques. J'attends la question. Hein. De toute façon, j'avance pas plus parce que sinon tu vas pas entendre la partie que je vais traduire, enfin qu'on va expliquer. Ah, ça encore une fois, c'est ce que je viens de dire dans le sujet. C'est ce que je viens de dire juste avant. C'est pas un cours de qawaid, de règles et de conditions. Ça, on va le voir dans le fiqh. Quand on va rentrer dans le chapitre de Kitab al-Salat. Pour l'instant, dans le fiqh, on est dans Kitab al-Tahara, le livre de la purification, et on est en train de faire des abwab, des portes ou des chapitres. Et le premier chapitre qu'on a fait, c'est le chapitre des eaux. On est en train de faire le deuxième chapitre, le chapitre des récipients. et après, au fur et à mesure qu'on va avancer dans tous les chapitres, on va rentrer dans le chapitre de Kitab al-Salat. Et quand on va rentrer dans le chapitre de Kitab al-Salat, là, ça sera défini, parce qu'à un moment donné, il y a forcément la dame al-Iqama. Et là, on verra si la femme ou l'homme, l'Iqama et la dame concernant, par rapport à la femme. D'accord? En tous les cas, on le verra, Inch'Allah, mais c'est pas comme j'ai dit, c'est pas l'objectif de ce livre, en fait. Ce livre-là, c'est juste pour nous relater les invocations authentiques et relatives à notre vie religieuse, journalière, hebdomadaire, mensuelle, enfin, de la vie du croyant. D'accord? Et de voir qu'est-ce qui est authentique et ce qui est recommandé de faire. Après, concernant, est-ce que elle a le droit à la femme, ou est-ce que telle chose est interdite ou autorisée ou recommandée ou préférable, ainsi de suite, ça, on le verra dans le faire. Donc, on a trois domaines qu'on est en train de faire. Le premier, c'est plus ou moins de la spiritualité, mais c'est plus, on rentre ça dans le Tazkiyat an-Nafs, la purification de l'âme. Deuxième, c'est al-fiqh, la jurisprudence, pour qu'on apprenne et qu'on comprenne qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment faire telle et telle chose, les conditions, les piliers, si ça vient manquer, comment on rattrape, comment on... Et ensuite, le troisième chapitre, le troisième domaine, c'est al-aqida, la croyance, parce que tout est une question de croyance. Donc on le verra, Inch'Allah. Après, si c'est... Je pense que ces réponses-là, tu peux les trouver sur Internet. Maintenant, nous, quand on va le voir en détail. Quand elle se retrouve en elle, est-ce qu'elle peut faire l'Iqama, est-ce qu'elle peut faire l'Aden. Allahu a'lam, je vais pas m'avancer parce que, encore une fois, il y a plusieurs avis. Tu vois, le but, c'est pas de vous donner un avis ou mon avis. C'est que vous voyez la majorité des avis est le plus authentique, le plus fiable. Après, je vous dirais quelque part, en tant que Mubtadi, en tant que débutant, on est censé suivre un madhab et de ne pas mélanger. C'est pour ça que même dans chez les Toulab al-Ilm, les étudiants en sciences, on n'étudie pas les différents madhab, les différentes écoles, les différents avis. Ils étudient d'abord un domaine, ils étudient tout ce qui concerne ce madhab, cette école, et ensuite, une fois qu'ils ont ils sont arrivés à un certain niveau de connaissance ou de compréhension de ce madhab, là ils se penchent sur les autres madhab. Non, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il n'y a pas de honte à quoi que ce soit, comme il a été dit, celui qui a honte ou celui qui n'ose pas, il n'apprend pas. C'est comme ça qu'en fait on saura dans quelle partie on peut intervenir, on ne peut pas intervenir. Le mieux, c'est c'est quelque part l'akhlaq. Normalement, la première des sciences que le musulman doit apprendre, c'est l'adab ou l'akhlaq. C'est pour ça qu'il y a même un domaine de science qui s'appelle l'akhlaq ou l'raqa'iq. C'est le bon comportement et les bienséances à tenir. Que la science, avant tout, elle a besoin de gens dotés ou qui vont acquérir une certaine hikmah, une certaine sagesse, une certaine méthodologie, une certaine approche pour pouvoir transmettre ce ilm. Donc on essaiera, si Allah nous facilite et qu'il met le baraka dans ce qu'on est en train de faire, avec le temps, il y a plein de livres que j'aimerais bien étudier, j'aimerais bien qu'on lise dans l'adab, le comportement. Il y a un livre de l'imam al-Bukhari qui s'appelle Adab al-Mufrad, c'est que des hadiths, et le livre il fait à peu près 500 pages, où ça ne concerne des hadiths que sur l'adab et l'akhlaq. Si vous voulez, je vous mets le titre, hein. Kitab Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Al-Adhan et al-Iqama, ce sont des sunnatan. عندنا على مذهب الصحيح المختار chez nous dans les madhahib authentiques choisis سواء في ذلك ذن الجمعة وغيرها même concernant aussi الأذان de الجمعة de يوم الجمعة وقال بعض أصحابنا et certains de nos compagnons ont dit Donc je vous dis, quand l'imam al-Nawawi parle de Ashabina, vous l'avez vu dans d'autres livres quand on en expliquait, que quand il dit Ashabina, c'est-à-dire nos co-religionnaires ou nos camarades ou nos collègues, enfin nos comment ça s'appelle, nos ceux qui sont dans cette science-là. Il parle des savants du hadith. Disent que huma fardun kifaya, les deux, ce sont des obligations. Plus que fuqaha, en fait, c'est plus dans ulama al-hadith. Parce que al-faqih, laysa muhaddith. Ou كذلك, ممكن ليس له علم أو علاقة في الحديث. En fait, il a pas forcément il a des connaissances dans le hadith, mais là, c'est des savants du hadith. Donc, al-fuqaha, c'est plus des savants de fiqh. Wallah. نعم. Donc, fardun kifaya. Donc, ce sont des sciences, c'est une obligation qui n'incombe pas à chacun. Dire, on avait expliqué qu'il y a deux types d'obligations. Il y a fardun ayn, fardun kifaya. Et ça, l'adhan et l'iqama, c'est fardun kifaya. C'est-à-dire que s'il y a une partie de la communauté qui s'en charge, l'autre partie est déchargée de cet ordre-là. وقال بعضهم هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. Il y en a d'autres qui ont dit qu'elle est pas obligatoire. هما فرض كفاية. C'est pas une science obligatoire ou ce n'est pas un acte obligatoire, sauf dans الجمعة. Non, استغفر الله. C'est pas une action obligatoire dans الجمعة. D'accord. Non, astaghfirullah, je reformule. Elle est obligatoire dans le Jumu'ah et pas ou ghayriha. Dun ghayriha, en dehors des autres. Fa in qulna fardun kifaya fa law tarakaha ahlu al-baladin aw mahallatin qutilu ala tarkihi. Bon, là je vais pas aller je vais pas rentrer dans ce, je vais pas traduire ça parce que, enfin, en fait, là, on rentre dans des ahkam, et là, l'imam, en général, il parle de ahkam à l'époque où il y avait une dawla islamia, il y avait la sharia qui était appliquée, ainsi de suite, parce qu'il a dit que et si on dit que c'est une science qui n'est, enfin, c'est une action qui n'est pas spécialement obligatoire, c'est-à-dire pour l'ensemble de la communauté, voilà, au tarakou, ahalun baladin, s'il y a une partie de la communauté, d'une ville, d'un endroit, d'un pays, ou d'une ville, d'un pays, baladin ou mahallatin qutilu, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas, ils doivent être combattus, tués par le délaissement de cette chose-là. En fait, on verra que ça, entre autres, ça rentre dans maqasid al-sharia, les finalités de la sharia. Les finalités de la sharia, elles sont avant tout de préserver la religion de l'individu et de l'ensemble de la communauté. C'est pour ça que ce statut-là, en fait, il rentre dedans. Pourquoi? Parce que si on n'entend plus l'Aden, si on n'entend plus l'Iqama, qu'est-ce qui va se passer? Ce pays va mourir. Comme dans chaque maison aussi, comme a dit le Nabi, ne faites pas de vos demeures des tombes. Dans quel sens? Dans le sens où on n'invoque pas Allah, dans le sens où on ne fait pas de dhikr, dans le sens où on ne fait pas de salat, on n'écoute pas le Coran. Donc là, c'est la même chose à plus grande échelle, c'est-à-dire dans un pays ou dans une ville, s'il n'y a plus d'Aden et d'Iqama, qu'est-ce qui va se passer? La communauté va s'égarer. وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على مذهب الصحيح المختار كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. C'est des règles un peu plus techniques. On a dit qu'on s'arrêterait sur les hadiths. ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به. Et il est يستحب. Il est recommandé de psalmodier l'adhan, comme on l'entend aujourd'hui, Allahu Akbar Allah, comme le Coran, tartil l'adhan wa raf'u s-sawt bihi, et de lever ou d'augmenter le son, le volume lors de l'adhan, et de l'iqama aussi. Wa yustahab idr إدراج الإقامة ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مؤمنا خبيرا بالوقت متبرعا. Donc il est bien aussi pour il est recommandé aussi que l'adhan il peut être aussi pas trop fort, c'est-à-dire avec un son أخفض من الأذان. الإقامة elle est censée être comme ça, c'est-à-dire que il doit être un peu plus au niveau du volume, moins fort, un peu plus bas. C'est pas le clofic, un peu plus bas. Et ويستحب المؤذن que le مؤذن, il est préférable aussi que le مؤذن il a une belle voix, du moins on va sélectionner ou qu'il y a quelqu'un qui va le faire mais avec une belle voix. Donc avec une belle voix qui embellit. Parce que attention, c'est pas n'importe quoi. Franchement, il y a des fois on entend des gens faire l'adhan, c'est une torture pour l'ouïe. Que dire des anges qui l'entendent et que dire d'Allah qui entend ça? Donc, et qu'ils soient aussi au courant, enfin qu'ils soient mukhbiran, qui connaissent le temps, les heures, en fait. Qui sait que, voilà, par exemple, qui connaît, on va dire, pas par rapport à la montre, hein, qui connaît le temps par rapport au lever du soleil, au coucher du soleil, ou quand il arrive au zénith, et quand il arrive vers le déclin. On va dire mukhbiran, qui connaissent, on va dire, les différents temps d'une journée. أحب أن المؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضوع عال. Donc il est aussi préférable. Ça veut dire quoi préférable? Ça veut dire que si la personne ne le fait pas tout ça, c'est pas bon. Elle n'a pas de péché, mais c'est pas la bonne manière à suivre. D'accord? يستحب مستحب. Comme on a dit, c'est une parmi les règles de أصول الفقه. يستحب أن المؤذن ويقيم قائما على طهارة موضوع عال. Donc il est préférable aussi que le مؤذن soit dans comment s'appelle ويقيم قائما, qui se tienne debout en état de purification, et de préférence dans une station un peu élevée. Comme le fait de monter, par exemple, sur le minbar sur les trois marches, ou d'être dans un niveau élevé. Pourquoi? Entre autres, c'est parce qu'on a des hadiths, où il y a des hadiths qui, à l'époque, les compagnons, ou entre autres, Bilal et ainsi de suite, ils montaient, en fait, au-dessus de la mosquée, enfin, en hauteur, pour faire l'adhan. Qui soit en direction de la qibla. Falaw adhana, aw aqama, مستدبرا القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنوبا صح أذانه. Donc si il est s'il ne se met pas en direction de la qibla, ou qu'il n'est pas قاعدا, qu'il n'est pas debout, et qu'il est en impureté, petite ou grande impureté, ça ne change pas la validité de l'adhan. Ça veut dire que ce n'est pas une condition obligatoire pour que l'adhan soit authentique. D'accord? Ça ne veut pas dire que on doit être négligent ou laxiste. Parce qu'avant tout, on ne le fait pas. Encore une fois, c'est comme une adoration. Quand tu l'as fait, tu te mets dans la meilleure des postures et dans la meilleure des situations. Pourquoi? Parce que avant tout, tu le fais pour Allah. Donc, même s'il a donné ses cas de figure, ça veut dire que il peut y arriver des cas de figure comme ça, où on n'a pas le temps, on est précipité, on est dans une circonstance, une situation X ou Y, et qu'on peut pas réunir toutes ces conditions-là. Donc, ça peut passer. Par contre, la meilleure manière à suivre, c'est de se mettre dans la meilleure des positions et dans la meilleure des préparations, que ce soit dans la prière, dans tout. وكان مكروها, mais c'est détestable. والكراهية في الجنوب أشد من المحدث. وكراهيه الاقامه اشد. دونك ce qui est détestable, ce qui est le plus détestable, c'est les grandes impuretés par rapport à celui qui a perdu ses ablutions. C'est le plus détestable. Ensuite, plus détestable aussi, c'est de l'être au moment de l'iqama. Parce que normalement, quand on fait l'iqama, on n'est plus censé parler. Justement, on fait l'iqama parce que ça y est, on est déjà en rang. Et on va commencer la prière. Donc ça veut dire que c'est comme si on était presque rentré dedans. Donc celui qui le fait à ce moment-là, c'est très très très fortement détestable. La yushra'u al-adhan illa lis-salawat al-khams. Al-adhan n'est pratiqué ou n'est appliqué que pour les cinq prières. As-subh wa adh-dhuhr. Donc vous voyez là, on voit, je sais plus si tout le monde est là. Enfin, tout le monde est là. Il y a une divergence entre Subh et Fajr et ainsi de suite. D'accord? On ne savait pas que c'est quoi laquelle obligatoire, ainsi de suite, quel est le terme qui fait que, voilà, les différentes appellations. Et là, on voit que le Cheikh, l'imam al-Nawawi, il a dit, la yushra'u al-adhan lis-salawat al-khams, la yushra'u al-adhan illa lis-salawat al-khams. L'adhan n'a été légiféré que pour les cinq prières. Et il a commencé par la première qui est As-Subh, il a écrit. Il n'a pas parlé de Al-Fajr. Okay. Donc on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, les termes, ils ont un peu varié, ils ont un peu été changés. Mais l'essentiel, le problème, il n'est pas là. Parce que de toute façon, c'est l'intention qui va faire l'action, qui va orienter ton action. Donc on sait très bien que même si on appelle Fajr ou Subh, peu importe, au moment où tu vas faire ta prière, au moment où tu vas faire les deux raka'at sunnah, tu sais très bien que c'est la sunnah. Donc après, tu l'appelles subh ou fajr, c'est pas le problème. Car il n'y a pas un problème sur les mots, sur les termes, mais c'est sur la pratique, sur l'acte ou l'action. D'accord? Donc, subh, al-dhuhr, ou al-asr, ou al-maghrib, ou al-isha. Ces cinq prières, et que pour celles-ci, que l'adhan a été légiféré. وسواء فيها الحاضرة والفائتة وسواء الحاضر والمسافر وسواء من المصلي. Bon, on va s'arrêter là, inshallah. Parce qu'en fait, ça, on le verra dans le fiqh. Là, il est en train de parler de certaines conditions, de certains cas, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, ce livre, malgré tout, comme je l'ai dit, hein, il fait à peu près. C'est un livre d'un mot. Enfin, c'était plus orienté spirituel, spiritualité, mais c'est un livre qui fait à peu près, voilà, 300 pages. Ouais, 300 et quelques pages, presque 400 pages. Donc, quand le cherche, des fois, il va un peu s'étaler. Je vais pas approfondir parce qu'on va le voir en fait dans le faire. Et là, franchement, c'est aussi un niveau. Hein. Sincèrement, c'est pas que ça va vous embrouiller. Et le but, vu qu'on est tous des débutants, c'est de ne pas trop se avoir l'esprit perturbé avec différentes paroles, parce qu'en fait, ça va nous donner encore, ça va nous pousser à avoir plein d'autres questions. On va avoir plein d'autres interprétations, plein d'autres choses qui vont subvenir. Pour l'instant, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir déjà une bonne base. Et au fur et à mesure, bah, si on a le temps, si on a قدر الله اللي كون دو كونتينيي دون سيت سونس لا الحمد لله sinon vous le verrez plus tard dans d'autres livres de science. En tous les cas, ce sujet là on le verra dans le chapitre du fiqh qui est la prière, concernant la prière. Bismillah, fiqh commence le fiqh. Alors بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, on s'est arrêté dernièrement sur le chapitre des récipients. Et on s'était arrêté sur آنية الكفار طاهرة ما لم يعمل أنهم يستخدمونها في نجاسة. Donc, les récipients des kuffars est pur tant qu'on sait qu'ils ne l'utilisent pas avec des choses impures. D'accord? Alors, وجملة ذلك أو une phrase globalement أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إلا إذا لم يجد غيرها. Donc, أنه لا يجوز للمسلم n'est pas autorisé aux musulmans. Il n'est pas autorisé aux musulmans d'utiliser les récipients des mécréants parmi les gens du livre. Sauf s'ils ne trouvent rien d'autre que celle-ci. D'accord? Attention, on ne parle pas de ce qu'on va acheter, ce n'est pas leur récipient. C'est-à-dire que quand on est chez les kofars, quand on est chez eux, et quand, par exemple, on doit utiliser leur bien à eux, leurs ustensiles à eux, là, à ce moment-là, cette interdiction, elle rentre en ligne de compte. Et on ne parle pas de ce qui a été fabriqué, que tu achètes neuf, et ainsi de suite. عن أبي ثعلبة الخشاعي الخشاني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا إن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. حديث صحيح أخرجه أبو داود ابن ماجه أحمد صححه في الإرواء donc c'est un hadith authentique qui a été rapporté donc par Abu Daoud, Ibn Majah, l'imam Ahmed dans son Musnad et al-Sahih fi al-Irwa. Al-Irwa c'est un livre de hadith aussi. Donc le hadith, il a été rapporté donc du compagnon Abi Thu'laba al-Khushani qui a dit قال, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam يا رسول الله أو بروفيت إن بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم. Nous sommes dans un pays. Voilà, c'est ça. Sauf si tu sais qu'il met. Alors attention, il avait mis la condition. Mais on va voir en détail. Hein. On va voir en détail. Non, pas que pour les ablutions. En fait, tendez, au fur et à mesure, il y aura des précisions. Que là, en fait, on parlait des règles qu'il a définies, et en fonction des règles, on va voir les arguments. Et on va voir dans quel cas on peut, dans quel cas on peut pas. Alors. Donc, mais sinon, oui, normalement, on n'a pas le droit de les utiliser. C'est la règle, en fait. La règle générale, c'est ça. Maintenant, il a dit, sauf si... Attention, ce qu'on est en train de traduire, enfin, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est la parole où il a dit « Aniyat al-kuffar » et ça, c'est un « dhabit ».« Dhabitou », c'est le « dhabitou thani », c'est le deuxième point. Parce que le premier point qu'on a vu, c'est yubahu isti'mal kulli aniyatin illa adh-dhahab wa al-fidda. Le premier point qu'on avait vu, c'est qu'il est autorisé d'utiliser tout type de récipient sauf l'or et l'argent. Tout on a fait le charh, enfin on a expliqué, on a lu un peu ce que le cheikh et ce qu'il a ramené comme avis, avec les hadiths et les preuves bien sûr, et on a fini. Et là on est en train de rentrer donc dans le deuxième point qui est aniyatul kuffar tahiratun ma lam yu'mal. Les récipients des mécréants sont purs, sauf si on sait qu'ils l'utilisent avec des choses impures. Or, ensuite, le chef, en fait, tout doucement, il va nous amener des arguments pour voir les arguments de base et les exceptions qu'il y a. Là, l'argument de base, c'est ça. C'est la base, c'est qu'on n'a pas le droit. Mais il y aura des exceptions. L'exception, c'est quoi? Ma lam yu'mal binajasatin. Sauf si il ne l'utilise pas pour des impuretés. Et on le verra. On va le voir, Inch'Allah. Donc le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en répondant au compagnon quand il lui a dit que nous, nous sommes dans une terre en fait où il y a des mécréants, des Wafik Barakallah, on est dans une terre où il y a des mécréants parmi les gens du livre. Il lui a dit est-ce qu'on peut manger dans leur récipient? Donc on mange, quand il parle de manger, c'est quoi? C'est des assiettes, c'est des marmites, c'est des couverts, enfin non, je pense pas des couverts à comment ça s'appelle, comme nous aujourd'hui on a, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pas rentrer dans ce sujet-là. On va encore dévier. C'est un lien en plus avec la santé, la médecine, ainsi de suite, mais bon. Donc en fait, c'est tous les récipients qui nous permettent de manger ou de préparer à manger ou de boire. Parce qu'il y a aussi là tout ce qui est des soupes, des choses comme ça, qu'on boit dans des sortes de récipients, des verres ou des bols ou des choses comme ça. Et on avait vu justement les types de manières avant, comment ils faisaient les récipients, le fait qu'ils parlent de peau, des os, et ainsi de suite. On peut comprendre par là, c'est que c'était des outils ou des matières avec lesquelles ils travaillaient et qui fabriquaient des récipients ou des ustensiles. Donc, ce compagnon-là, il vivait autour ou auprès de mécréants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'était qu'à l'époque, la majorité de la communauté vivait avec le prophète sallam et qu'ils utilisaient des choses pures et saines. Mais dans certaines régions de Médine, parce que Médine c'est une grande ville, aux abords de Médine, aux périphéries de Médine, aux banlieues de Médine, il y avait des juifs majoritairement à Médine. Et d'autres tribus chrétiennes ou juives dans la péninsule arabique, qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Donc les musulmans, ils étaient un peu de partout. Donc chacun des fois venait pour poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répondait, en fonction du cas de figure dans lequel il se trouvait. Et là, en l'occurrence, ce compagnon-là lui a dit, nous vivons au milieu des gens du livre, est-ce qu'on peut manger dans leur récipient? Et il a dit, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha. Ne mangez pas dedans, sauf si vous ne trouvez rien à part cela. Fa'ansiluha wa kulu fiha. Rincez-le ou lavez-le, et ensuite, vous pouvez manger dedans. C'est un hadith authentique. Ensuite, il y a un autre hadith, وعن عمران ابن حسين في حديث طويل de عمران ابن حسين, c'est un compagnon, dans un long hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة مزادة je sais pas ce que ça veut dire. Alors أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا, le prophète et les compagnons ont fait leurs ablutions min mazadatin. Donc je pense que ça doit être un récipient. Il a dit, il a fait leurs ablutions dans al-mazadatin. D'une mécréante. D'une femme mécréante. Donc imra'atin mushrikatin. Donc mazadatin, je sais pas, hein, peut-être que je vais l'écrire en arabe, je sais pas si le frère y connaît éventuellement. Donc mazadatin, je pense que ça doit être un récipient en tous les cas, ou peut-être que la sœur Moussouhine, elle a déjà trouvé la réponse. Tafaddali. Celui qui peut aider, au contraire, n'oubliez pas que c'est des hasanat et des bonnes actions que vous avez en participant. L'objectif, c'est ça aussi, c'est que tout le monde y mette un peu du sien et que ça soit profitable à tout le monde. « An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu tawadda'u min mazadatin ra'atin mushrikatin. » Le prophète et le compagnon ont fait leurs ablutions dans un récipient d'une femme mécréante. D'accord ?« Hadith muttafaqun alayh akhrajahu al-Bukhari » ou muslim. C'est un hadith authentique qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Jam'an bayn al-adillati fassala shaykhuna. Donc en réunissant les deux hadiths, fassala shaykhuna. Le shaykh a expliqué. Ou a détaillé. Al-mas'alata faqala idha tayaqqana anna ahla al-kitab yastaqdimuna najasatan kal-khinziri وجب غسلها قبل الاستعمال. Et voilà, donc le cheikh il a réuni entre ces deux hadiths qu'on a concernant le fait que c'est impur et le fait que il a fait ses ablutions. Donc là, dans le premier hadith, on voit que le prophète sallam il a dit c'est interdit, et dans le deuxième hadith on voit que il a fait les ablutions lui et ses compagnons. Donc comment réunir entre les deux hadiths? Il y en a un qui dit non, il y en a un qui dit oui. C'est pour ça que dans le prêche et ainsi de suite, de ne pas se précipiter à hada haram, hada halal, hada. Subhanallah, il y a plein de paroles, il y a plein d'explications, il y a plein de détails et de subtilités. Et c'est pas si simple que ça. Et ça rentre dans ilm al-ta'arud, la science des pas des contradictions ou des choses qui se contredisent. C'est une science elle-même, c'est une science de pouvoir réunir justement entre ces deux hadiths qui sont d'apparence contraires. Donc le cheikh, il a réuni entre les deux hadiths, et dans ce sujet il a taire ana an ahl al-kitab yastakhdimuna najasata kal-khinzir wajaba ghuslaha qabla isti'mali. Donc si la personne est convaincue, sait que ceux parmi les gens du livre utilisent ces récipients avec des impuretés comme le cochon et autres, wajaba ghuslaha, il est obligatoire de le laver avant de l'utiliser. واما اذا ظن انهم يستخدمونها في نجاسات ولم ومن لم يتيقن يتيقن استحب غسلها قبل استعمال. Donc ici par contre il doute ou il n'est pas sûr en fait qu'il utilise ces récipients là avec des choses impures, le mieux يستحب, le mieux c'est qu'il le lave. Mais s'il ne le lave pas, c'est pas grave. Parce que là on voit bien qu'en fait là on a une qa'ida usuliya yustahab. La dernière fois on a vu al-mubah, l'autorisation. Là on voit c'est recommandé. Ça veut dire que c'est fortement, mais c'est mieux de le faire comme ça. Maintenant si vous faites pas pour x ou y raison, c'est pas grave. C'est autorisé. Wa amma in tayaqqana أو غلب على ظنه أنهم لا يستخدمونها في نجاسة جاز له أن يستعملها بلا غسل. Et si par contre il est sûr, أما أن إن يقن أن أو غلب على ظنه, et s'il est vraiment convaincu et qu'il n'a aucun doute que, ou du moins qu'il a une conviction sûre qu'il n'utilise pas ces récipients avec des impuretés, il est autorisé pour lui de les utiliser sans le laver. Bon, il y a un livre qui est bien si vous le voulez. Al-Iqlil Sharh Manar al-Sabil. Celui qui veut le livre sur lequel il a tiré cet avis-là, le cheikh, voilà le livre. Al-Iqlil Sharh Manar al-Sabil. C'est un livre de fiqh. Tu dis qu'il faut laver les récipients. Non, c'est pas moi qui dis. Pour ceux qui veulent le nom du livre où il y a tous les avis, c'est Al-Iqlil Sharh Manar al-Sabil. Moi, c'est ce que je vous conseille, de vous faire votre propre bibliothèque, parce que c'est des sources, mashallah, qui sont connues et reconnues et authentiques, alhamdoulilah, où notre science, on va dire, elle est répertoriée et codifiée. Donc on sera, quelque part, on connaît le chemin. Et on a la voie à suivre. Maintenant, il faut se donner tous les moyens pour étudier. Alors, je vais revenir sur ce qu'elle a dit, la sœur. Il faut laver les récipients. Et j'ai expliqué en fait quel récipient laver. Enfin, j'ai expliqué, le cheikh, il a expliqué dans quelles conditions en fait. On a plusieurs cas de figure. Dans ces deux hadiths qu'on a cités juste avant, qui sont la base, qui constituent al-hukm shar'i, le statut juridique de des récipients des koufars, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, entre ces deux hadiths, où il y a une contradiction quelque part, en fait, cette contradiction, elle va être en fonction de la réalité des choses. Première des choses, si on sait que ces mécréants, enfin, ce non-musulman, enfin, oui, ces mécréants, parmi les gens, les mécréants, parmi les gens du livre, utilisent, il n'a pas dit an ahl al-kitab yastakhdimunaha. Il a dit la première chose, c'est que si on est sûr qu'ils utilisent ces récipients avec des choses impures comme le cochon, l'alcool ou des choses comme ça, il est obligatoire de laver ces récipients avant de les utiliser. Et si par contre ils pensent, vanna, c'est penser, c'est pas être sûr en fait. C'est le contraire de la certitude, c'est le contraire de al-yaqin. D'accord? La première des choses, c'est « idha tayaqqana ». il est sûr, mais il doit laver. Si, il, par contre, il doute, il est entre les deux. Il pense que c'est le cas, mais en même temps, il n'est pas sûr. Là, à ce moment-là, le mieux pour lui, c'est de le laver. Yustahab. C'est mieux de le laver. S'il ne le lave pas, c'est pas grave. Parce que ça rentre dans l'istihbab. Ça rentre dans la préférence. D'accord? C'est pas une obligation. C'est pas un fard. Par contre, le troisième cas de figure, c'est si on sait que c'est sûr avec conviction et qu'il n'a aucun doute qu'il n'utilise pas ses récipients avec des impuretés, on peut utiliser ces récipients sans les laver. Est-ce que déjà la question que tu as posée, ou du moins, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça a été, est-ce que ça a répondu à ta question? Alhamdulillah. N'oubliez pas de prendre des notes. Allah, je pense que après le chapitre des récipients, on va faire des petites questions sur le chapitre des eaux et des récipients. Donc, notez, mais fadlikum. Après, je vais voir pour la question. Oui, effectivement, il y a une manière de laver. Il y a une manière de laver. Et la manière de le laver, ça va dépendre. Ça va dépendre de quel type d'impureté l'a touché le récipient. Mais au jour d'aujourd'hui, on va dire que de le laver comme on le lave aujourd'hui avec pas mal de produits, on va dire assez puissants, c'est suffisant. Mais on verra l'avis des chouyours sur ça parce qu'on va forcément le voir. Si on, en fait, le fiqh, le but c'est d'évoquer des choses même improbables. Donc forcément, ce cadre de figure-là, on va le voir, Inch'Allah. Étant donné que le cheikh, c'est un contemporain, il va nous parler de choses contemporaines. Donc quand il va parler de comment purifier les choses, on va le voir, Inch'Allah. Barakallahu fik wa anti min ahli al-jaza. Qawluhu 'azmu al-maytati wa qarnuha wa dhufruha wa hafiruha wa sha'ruha wa sufufuha wa rishuha tahirun. Il est 20h30. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là on va rentrer dans un autre sujet. Là on a vu le sujet des récipients, des koufars, ce qu'on fait, comment on peut l'utiliser. Là le prochain sujet, c'est le quatrième point. Le quatrième point de Babu Al-Aniya, le chapitre des récipients. On a fait le premier point, la dernière fois on a commencé le deuxième point et là on vient de le finir. Et là, le troisième point, c'est Ardoul Meitati, les os des morts, enfin des bêtes mortes. La Meitati, c'est forcément des bêtes mortes. Wa qarnuha, leurs cornes. Wa dhafruha, leurs ongles. Wa hafiruha, je sais pas, peut-être que le frère est collé. Wa sha'ruha, comme elle a dit la sœur la dernière fois, c'est des poils. Wa sufuha, c'est leur laine, enfin les laines, et ainsi de suite. Wa rishuha, c'est les plumes aussi, je crois. Hein. Ouais, non, rishuha, c'est les plumes. Tahirun. Ah, wa hafiruha, c'est, barakallahu fik, akhi. Hafiruha, c'est les sabots. Mashallah, Allah yajazik bi khair, akhi. Alhamdulillah, tu vas nous être du numéro d'aide pour sur certains mots. Mashallah, ou ta'ala. Et Allah yajazik bi hada al-amal, amin. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on fera, mashallah, ou ta'ala, jeudi, bi idnillah, ou ta'ala, l'autre partie. La quatrième partie. On a la troisième partie, excusez-moi, parce que la deuxième partie, elle a été séparée en deux. Et là, on va faire la troisième partie la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais regarder s'il n'est pas trop long. Oui, en fait, il n'est pas très très long. Il n'est pas très très long. D'ailleurs, on va bientôt finir le chapitre des eaux, des récipients. Et après, on va rentrer dans le chapitre. On va rentrer, alhamdulillah, afin que ça soit profitable. Et c'est aussi profitable que pour moi autant que pour vous. comment ça s'appelle? Et alhamdoulilah, après, si vraiment il y a des commentaires ou des choses, parce que il y a peut-être une méthode, ainsi de suite, n'hésitez pas. C'est un cours et un groupe pour vous et pour nous. C'est pour tout le monde. Donc toute idée est bonne à recevoir et à étudier. Si c'est pour le bien, c'est pour le bon déroulement des choses. Et donc on va finir, je pense, la semaine prochaine, jeudi, je pense qu'on va le finir complètement ce chapitre des eaux, et on rentrera dans Babu Qada il Haja. Comment accomplir ses besoins et de quelle manière accomplir ses besoins. Inch'Allah ou Ta'ala. Ça va être là aujourd'hui. Et donc, on reprend sur Kitab Al-Aqida. Alors, bon, est-ce qu'il y en a qui ont révisé ou pas? Parce que je n'ai pas, pour ne pas vous, comment on s'appelle, vous mettre dans une situation délicate, je préfère vous poser la question avant de commencer, parce qu'on avait dit qu'on allait poser des questions. Est-ce que vous vous rappelez le nombre de chapitres qu'on a vu dans At-Tamhid? At-Tamhid, combien il y a eu de chapitres dans At-Tamhid? Non, il n'y en a pas eu 6. Là, vous me parlez des conditions de la foi ou de l'aqida ou des piliers de la foi. Je ne parle pas des piliers de la foi. Je parle de Tamhid. Le Tamhid, c'est l'introduction ou le préambule. Et dans le livre du Cheikh, donc on vient de le commencer, alhamdoulilah, il n'y en avait pas 10 non plus. Il n'y en avait pas 10 non plus. Il y en avait au total 8. Il y en avait 8. Je vais répéter, j'ai pas entendu. Non, en fait, on avait vu At-Tamhid. At-Tamhid, c'était une introduction, parce que ce livre-là, c'est vraiment un livre de débutant par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Encore juste à maintenant, on a fait Kitab Qawaid al-Arba'a, les quatre règles de l'imam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimallah. On a vu les trois fondements, Usul al-Thalatha. On avait vu, avec le premier groupe, ou du moins les premiers, ça fait un bon moment qu'on, alhamdoulilah, on fait les cours. Mashallah, il y a de plus en plus de monde. Allahumma barik. On avait fait aussi Nawaqid al-Islam, les amis de l'Islam. Mais le dernier livre qu'on a fait, c'était en fait, quelque part, tous ces livres, c'était une petite introduction. Et là, ce livre-là, il est un peu plus global et général d'un point de vue, et il n'y a pas de croyance. Et on essaie d'y aller tout doucement, et le Cheikh, il a adapté ce livre-là pour les débutants. Et pour commencer, il a mis plein de petits chapitres pour faciliter l'introduction dans ce livre-là, des chapitres qui vont être évoqués, et c'est pour ça que c'est At-Tamhid, préambule. Et on a vu, il a énuméré 8 points. Et ces 8 points, le premier c'est Ta'rif ilm al-Aqida, la terminologie ou la définition de la science de la croyance. Et on avait vu Luratan, Wastilahan, ces points-là. Ensuite, le deuxième point c'est Mawdu ilm al-Aqida, le sujet de la science de la croyance. Qu'est-ce que c'est exactement? Ensuite, troisièmement, on a vu Thamaratu. Je sais pas, des fois il y a des écritures, moi-même j'ai des... Moi j'ai lu la dernière fois. Oui, les fruits qu'on trouve, ou du moins qu'on va ressortir de la science du had, de la science de la croyance. Quatrième point, on avait vu nasbatu ilm al-aqida, sa généalogie ou sa chronologie, ou comme depuis quand, en fait, depuis quand ses fondations, d'accord. Ensuite, on a vu le cinquième point, qui est fadlu ilm al-aqida, les bienfaits de la science de la croyance. Sixième, shart sihhatu, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, khair, inshallah. On va continuer. Donc, il me semble que vous avez... Attendez, un instant, je vais regarder juste ce que je vous avais pris comme photo. D'accord, donc, قولهم الباب الثاني الإيمان بالملائكة. Alors, inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. Donc, Wahid ibn Bari. Je vais vous faire la page, la photo de la page qu'on est en train d'étudier. Comme ça, ceux qui veulent suivre pourront suivre. Donc, ça, c'est la première page. مقدمه الماتن الحمد لله الواحد الاحد المن bon, c'est des invocations, on va essayer d'avancer. C'est pas que je veux pas, mais on est en train de refaire, en train de prendre des minutes. On se trouve là. فهذه مختصر في العقيده اجمع اطرافها ويضح اصولها واسال الله ان يحيينا على الايمان ويمتنا عليه ويحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc là, c'est le cheikh qui a écrit, d'ailleurs vous allez la voir, hein, ce que j'ai mis en photo. Et donc c'était juste une introduction du cheikh, et là on commence. الشرح, l'explication. قوله الحمد لله. الحمد لله. Là, c'est l'explication de, en fait, de la petite partie. Vous pouvez la regarder en haut. Il y a écrit le titre et juste en dessous, il y a une introduction. Et cette introduction, c'est des invocations. D'accord? Et là, le cheikh qui a traduit, non, qui a expliqué plutôt le livre de ce cheikh-là, Wahid Abd Salam Bali, c'est lui qui a écrit le livre. Par contre, celui qui a expliqué le livre, il s'appelle Khalid ibn Mahmoud al-Juhayni. D'accord? C'est son élève. Alors. Et donc, il a expliqué ce que le cheikh a voulu dire par Alhamdulillah al-Wahid al-Ahad. Il lui a dit, et il a dit plutôt, Qawluhu Alhamdulillah ay alladhi yastahiqu as-sana al-mutlaq bi kulli anwa'ihi huwa Allah. Donc. On avait vu un discours, ah non, je l'avais pas vu, mais c'est pour ça que je ne prends pas. J'ai proposé, mais ça on verra quand est-ce qu'on pourra le faire, parce que il y a tellement de choses à faire que, à un moment donné, il faut garder un certain rythme, mais surat al-Fatiha, je voulais qu'on fasse le tafsir, et parce que là, en fait, il va parler, on va vraiment rentrer dans le détail de Alhamdulillah, Al-Basmala, et ainsi de suite. Donc là, c'est une explication parmi tant d'autres. Alhamdulillah, ay alladhi yastahiq, c'est celui qui mérite, al-Thana al-Mutlaq, la louange dans l'absolu, de toute forme et de toute sorte, c'est Allah. C'est que lui qui mérite cette forme de louange. Donc, c'est de louer. En fait, c'est plus que la louange, c'est de l'évoquer de la meilleure des manières, à la jamil men jihadi ta'zim, de la meilleure des manières et la plus vénérable que ce qu'elle soit, que ça soit dans un bienfait ou son contraire. D'accord? Parce que de toute façon, tout est un bien. انظر تعريفات للشرح للشريف Al-Jirjani. Moi, je vais pas mettre toutes les dans tous les cas, regardez. Pour celui qui suit en arabe. Pour celui qui suit en arabe, vous allez avoir tout en bas. En fait, l'explication. Ça veut dire que vous allez voir la parole qu'on vient d'expliquer. Alhamdulillah. Wa thana'u al-jamil. Min jihati ta'zim. Sawa' an kana ala ni'ama. Aw ghayri ni'ama. Et ensuite, il a pris, en fait, cette explication du livre qui est juste en bas, qui écrit Ta'rifat al-Sharif al-Jurjani. Et ça, Allah, c'est un livre très, très intéressant pour celui qui veut se le procurer. En fait, c'est ce cheikh, il a expliqué plein de mots. Qu'est-ce que ça veut dire al-Hamd? Qu'est-ce que ça veut dire al-Ta'rim? Qu'est-ce que ça veut dire al-Thana? Qu'est-ce que ça veut dire al-Jamil? C'est vraiment des explications. Ça rentre dans la science. En fait, ça nous permet de mieux comprendre quand tu vas dire, quand tu vas faire des invocations, quand tu vas dire Alhamdulillah, ou subhanallah, ou des choses comme ça, c'est que tu vas comprendre le sens de ce que tu dis. Je ne parle pas de la traduction, ça veut dire de la louange, non. C'est qu'est-ce que ça signifie réellement. Oui, effectivement. Al-Ni'ma est né. Je n'ai pas compris, Akhi. Choukour aussi. Ah, Al-Thana. Oui, Al-Thana, c'est ça. Al-Thana, c'est Al-Choukour. Oui, Al-Thana, c'est Al-Choukour. Mais c'est plus, en fait, c'est un niveau de, en français, comme on vient à traduire en français. Le problème des mots, ils sont vraiment, voilà, ils sont pas autant de mots comparés en langue arabe. Donc, Al-Thana, c'est plus, en fait, que, voilà, c'est même au-dessus de Choukour. Mais c'est un peu ça, voilà, pour donner. C'est pour ça que des fois je donne Al-Madh, voilà. C'est pour ça que des fois je donne plusieurs mots pour que chacun trouve le mot adapté pour que ça lui parle, en fait. Donc c'est Al-Shukr, Al-Thana, Al-Madh, et ainsi de suite. Naam. Qawluhu Al-Wahid Al-Ahad, Ay. Donc quand il a dit le Cheikh Al-Ahad Al-Ahad, Al-Wahid Al-Ahad, c'est le lui qui est le seul, ay alladhi la sharika lahu fi rububiyyatihi. Ça veut dire, c'est le seul qui n'a pas d'associé dans sa seigneurie. Voilà, fi, si vous voulez, je vous fais la photo aussi, hein, de cette page-là, parce que là, on a passé à la deuxième page. Désolé, je ne peux pas faire mieux, et je vais essayer de ne pas prendre en photo mon doigt. Oui, j'ai pas pu. Alors, Qawluhu, donc on a expliqué le et traduit la partie où il n'a pas d'associé dans sa seigneurie, quand il dit Al-Wahid Al-Ahad, wala fi al-ilahi, wala fi ilahiyati, et non plus il n'a pas d'associé dans sa divinité ou dans son adoration, parce que le mot ilahiyya, ça veut dire divinité. Mais en fait, ce qu'il a voulu dire par divinité, c'est dans son adoration. C'est-à-dire dans tout ce qu'il s'est attribué, tout ce qu'il a défini ou déterminé, et de quelle manière on doit l'adorer. Voilà, si asma'ihi wa sifatihi. Et qui n'a pas d'associé non plus, ni dans ses noms et ses attributs. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé. Quand on dit qu'il n'a pas d'associé, attention, c'est pas comme nous, on a dans notre esprit un associé, comme aujourd'hui, ça soit dans le domaine professionnel ou autre. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans tout ce qu'il s'est attribué. Et dans ses noms et ses attributs aussi. Alladhi la nadhira lahu, wa la sharika lahu, bal huwa al-mustaqil, bil-amr wahdahu, min ghayri masharik, wa la manazi', wa la munazi', wa la mu'arid. بل هو الذي لا نظير له لا شريك له لا نظير له personne n'est égal et personne est associé à lui dans tout ce qui s'attribue, que ce soit dans la seigneurie, dans les noms et les attributs, dans l'adoration. بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. Donc il n'a pas d'associé ni dans comment ça s'appelle dans son ordre, ni d'associé ni de Michel de non, d'associé voilà mon dire de d'ego qui le dispute dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs, voilà mon arid, et des contradicteurs. قال الله تعالى قل هو الله احد. La preuve, c'est dans sourate Al-Ikhlas où Allah dit قل هو الله احد. وقول الله تعالى وقال الله تعالى plutôt, et quand il y a un autre verset où Allah dit قل هو الله خالق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Dit, c'est Allah le créateur de toutes choses. Et il est le seul, le dominateur. Qahar, je crois que c'est à peu près ça, mais j'aime pas trop traduire encore une fois, comme je l'ai dit, les mots. Qawluhu al-munazzih an shirk, ay alladhi nazahu an-nafsahu an-nafsihi, سبحانه وتعالى عن اتخاذ الشرك الشريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. النزيه c'est qu'il y a encore une fois c'est dans le sens où personne ne le il n'a pas de de personne qui l'égale ou qui le défie ou qui s'oppose ou qui a son niveau ou à son rang dans le fait qu'il soit associé. C'est-à-dire que personne ne l'équivaut ou ne le vaut dans sa seigneurie, dans son unicité. Dans son unicité, on parle de adoration et dans les noms et les attributs. Ay alladhi nazahu an nafsihi an ittikhadi ash-sharik. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Qala Allah Ta'ala la sharika lahu wa bidhalika umirtu. Il n'a pas d'associé. وبذلك أمرت إسسوسكم زيت أنجوان. وقال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الألوجة الله qui n'a pas pris de d'enfant ولا يكن له شريك في الملك. Il n'a pas d'associé dans sa seigneurie, dans sa royauté plutôt. قوله والشبيه فلا شبيه له. Quand il dit Ash-Shabih, le fait de le ressembler, personne ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, wa la mathila lahu fi af'alihi, et personne ne lui ressemble dans ses actions, dans ses actes. Asma'ihi wa sifatihi, fa huwa al-munazzih an mushabih. En fait, c'est qu'il est munazzih, c'est qu'il est exempt, il est neutre, touchable. Il n'y a aucune qualité d'imperfection qui lui touche. فهو المنزه عن مشابهات المخلوقين. Et il est exempt et loin de toute imperfection ou de toute chose qui touche sa création. C'est-à-dire qu'il n'a rien d'équivaut ou d'égal à lui dans sa création. قال الله تعالى ليس لك مثله شيء وهو السميع العليم. Rien ne lui pareil ou lui équivaut, mais c'est lui le السميع البصير. وقال الله تعالى هل تعلم له سميا. Est-ce que tu le connais ou est-ce qu'on lui reconnaît d'autres noms, d'autres appellations. قوله الواحد فلا والد والوالد فلا ولد له سبحانه وتعالى فهو المنزه عن اتخاذ الولد. Il est exempt de donc المنزه ça veut dire il est vraiment exempt et loin de tout type de المنزه. C'est quoi المنزه? Al-Munazir, c'est à force là de voir le mot en fait qui ressemble. En fait, à chaque fois, Allah il parle de quand il dit Al-Munazir, le cher, c'est-à-dire qu'il est exempt. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le touche. De nulle part, de toute part, personne ne peut l'atteindre. En fait, même si tu essayes, tu n'arriveras pas. Même si ceux qui donnent à Allah un enfant, et si tu t'en fais, ça ne le touche pas tout ça. C'est pour ça qu'il dit وَهُوَ الْمُنَزِّهُ. Ouais, exactement, il y a plusieurs significations en fonction du mot dans du contexte dans lequel il est utilisé. Et là, الْمُنَزِّهُ, c'est عَنْ اتِّخَادِ. Et là, juste avant, on a dit الْمُنَزِّهُ عَنْ مُشْتَابَهَتِ. Il est. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est assez complexe. Il faut du temps et des années pour vraiment maîtriser. Et surtout qu'après, en fonction du domaine dans lequel le mot est utilisé, peut avoir différents sens. Comme par exemple, Al-Hanifiya. Al-Hanifiya, il a deux sens opposés. Un sens qui dit direction, je me dirige vers Allah. Et l'autre mot, Al-Hanifiya, il peut dire aussi que je me détourne, en fait, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, c'est pour ça que c'est très particulier. Walhamdulillah, que cette langue arabe, Allah l'a élevée et a fait en sorte que ça soit la langue par laquelle justement, c'est pas évident pour les détracteurs ou les menteurs, ainsi de suite, de pouvoir modifier ou falsifier cette religion. Ça veut dire qu'il est exempt, il est loin de toute imperfection et rien ne peut le toucher. Parce qu'au début, il était question du fait que il est exempt du fait qu'il peut avoir des enfants. Il est exempt du fait qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Il est exempt du fait que rien ne lui ressemble. Et ainsi de suite. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد الله n'a pas pris d'enfant وقال تعالى ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه il n'appartient pas à Allah de prendre des enfants ou d'avoir des enfants louange à lui وقال الله تعالى انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد Donc, innama Allahu ilahun wahid. Allah, c'est Allah la seule divinité. Louange à lui, il n'a pas pris d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Donc là, on voit bien, il y a eu des arguments ou un développement du shir, et après on a eu plein de preuves. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme ça que les livres de science, en fait, ils sont plus ou moins écrits. C'est qu'il y a ou une argumentation avant et après les preuves, ou s'il y a les preuves, et de ces preuves-là sont déduits des argumentations. Qawluhu wa salatu wa salam ala du'a, vous savez, excusez-moi, juste un petit instant. Parce que, On va rentrer directement parce que là en fait c'est plus l'explication et c'est vrai qu'à chaque fois on le fait, en fait on explique à chaque fois le préambule ou l'introduction et finalement c'est des choses qui reviennent en fait et ça nous permet, en fait ça permet juste de pouvoir mieux rentrer dans le livre et en fait c'est une introduction dans le livre. Le livre on a quand même pas mal fait. On va continuer. Alors, al-bab al-awwal, premier chapitre, al-iman billah. Vous vous rappelez dernièrement, on avait vu des différents de piliers. La foi, ils sont au nombre de 6. Et on avait expliqué d'une manière générale ces 6 piliers en quoi ils consistent. Enfin, on avait expliqué. On a traduit l'explication du shir. Et là, maintenant, on va rentrer dans le premier chapitre qui est Al-Iman Billah, qui est le plus important. Et par quoi tout commence? Tout commence par Allah. Et donc, ce premier sujet, le premier chapitre, c'est Al-Iman Billah. Wa fihi sab'atu dawabit. Ces points sont au nombre de 7. Ils seront détaillés tout au long de ce chapitre-là qui est Al-Iman Billah. Rabitan Awal, le premier point. Wahid al-Rububiyya. Premier point, c'est l'unicité dans la Seigneurie. Donc, je vous conseille de noter, puisque l'on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. الضابط الأول premier point l'unicité dans la seigneurie. Est-ce que quelqu'un peut donner quelques exemples de unicité dans la seigneurie? Bismillah. Allez un peu de réactivité. Un exemple de tawhid al-rububiyya. Min fadlikum. Allez. Non. un exemple d'unicité. Parce que là, on est en train de voir la foi en Allah. Maintenant, on a détaillé que la foi en Allah, elle est divisée. Attention, ça c'est selon l'ijtihad, l'effort d'interprétation de certains savants, même des imams de l'époque. Ils ont défini en trois. Il y en a certains, ils l'ont défini en deux, parce qu'ils nous ont rentré le troisième dans le deuxième. Oui, on a divisé plus ou moins en trois. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans la divinité et l'unicité dans les noms et les attributs. Quel exemple pouvez-vous me donner d'unicité dans la seigneurie? Bismillah. Donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que l'unicité dans la seigneurie? Vous allez voir qu'après vous allez dire, ah oui, subhanallah, vous avez été chercher, vous allez chercher loin. Barakallahu fikoum, participez. Et le but, c'est vraiment de sortir ce que vous avez dans l'esprit, pas forcément d'aller faire des recherches. Hein. C'est pas un travail de recherche qu'on est en train de faire. Le but, c'est vraiment de donner des réponses, et après, vous allez apprendre, en fait, comme ça. Quand vous allez avoir la réponse, vous allez dire « Ah, subhanallah !» Et après, il y a plein d'autres réponses qui vont sortir de votre esprit. L'unicité dans la seigneurie de l'écom. La mort. Non. Quoique, oui et non, mais en fait, vous l'exprimez pas correctement. C'est la seigneurie, par exemple, dans la création, dans le fait que c'est lui le créateur. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. Effectivement, comme tu l'as dit, en fait, c'était de le formuler différemment. Et pareil, quand tu as dit, c'est Allah qui décide. Oui, quelque part, mais de dire, al-mudabbir, c'est lui qui décrète ou qui détermine ou qui a l'ordre. Tu vois? Après, Rachid, par rapport à Surat al-Ikhlas, monothéisme, oui, dans le sens, Allah, c'est lui le seul. C'est-à-dire, on doit croire en lui en étant le fait qu'il soit le seul, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est juste la manière dont vous l'avez formulé. Non, dans les noms et les attributs, non. Non, non, non, ça n'a rien à voir. C'est de croire en Allah que lui seul a créé, que lui seul donne la subsistance, que lui seul donne la vie et la mort, que lui seul fait tomber la pluie, que lui seul nous pourvoit, que lui seul, et ainsi de suite. C'est ça les noms et les l'unicité dans la seigneurie. Vous avez compris? Le but, c'est juste que vous permettre après de bien formuler et que ça soit construit dans votre esprit, en fait. Oui, mais pas que. Il n'y a pas que la création, parce que la création, c'est une particularité de ce qu'il a créé. Allah, mais il a créé d'autres choses à part nous. Il n'y a pas que nous. Hein. On n'est pas le centre du monde et de l'univers. Hein. Pas de l'univers, peut-être, oui, mais de cette création, oui. Mais il n'y a pas que cette création. Tout ce qui est en dehors d'Allah est une création. C'est la plume, le kursi, l'arche, son royaume et ainsi de suite. Tout ça, c'est une création. Non, en fait, c'est tout ce qui concerne Allah, en fait. Tout ce qui concerne Allah et tout ce qui lui-même s'est attribué dans ce qui nous a transmis à travers le Qur'an et la sunna et les paroles des compagnons. Donc en fait, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de ce que... En fait, l'aqidah, c'est quoi? C'est on apprend une chose en bloc et on la comprend en bloc comme elle est et on la retransmet en bloc. Et tout. Et on n'a rien à mâcher, à travailler, à réfléchir, ainsi de suite. Donc en fait, tout ce qui ne contrôle pas, tout ce qu'on ne contrôle pas, non. C'est tout ce qui est relatif par Allah. Par exemple, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la lune, c'est lui qui a créé les mers, les océans, qu'il y a des mers qui se touchent, qui a créé les végétations, qui a créé l'air, les différents composants, les différents atomes, les différents, ainsi de suite. Donc en fait, ouais, vous comprenez un peu le truc, l'unicité dans la seigneurie, c'est ce qui est propre à Allah dans ce qu'il a créé. Wa ifradullah bi af'alihi. C'est de croire en l'unicité d'Allah dans ses actions. Comme action, la création. Comme t'as dit, mais un peu plus détaillé, la création de quoi? Bah, tout ce qui concerne la création. Les cieux, la terre, le jour, la nuit, les terres, les sept terres, les sept cieux, et ainsi de suite. Qawluhu al-iman billah. Al-iman billah, qu'est-ce que ça veut dire? Hada al-aslu. الأول من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن بها. La parole où il, par lequel on a commencé le chapitre, c'est que la foi en Dieu, en quoi elle consiste ? هذا الأصل, c'est la base et le fondement premier parmi les fondements de la foi chez les gens de la sunna et de la jamaa et du consensus, qui est obligatoire pour chaque musulman de croire, pour chaque croyant de croire. D'accord ? Donc tout ce qui va être rapporté concernant Allah dans le Coran et dans la sunna, et de ce qui a été rapporté des compagnons, on le prend et on doit y croire comme ça a été. Pas comme au jour d'aujourd'hui ou comme depuis que les sectes sont arrivées, où ils ont commencé à donner des interprétations et à mettre plein de choses erronées dans ce qui concerne Allah. Wal-iman, la foi dans la linguistique, dans la langue arabe, linguistiquement parlant, huwa al-iqrar, at-tasdiq, c'est de confirmation. Al-iqrar, c'est confirmer une chose, affirmer une chose. At-tasdiq, c'est de la véracité de la chose, de la croire véridique. Wa huwa aqrabu ila al-iqrar min at-tasdiq. Donc, التصديق هو أقرب إلى الإقرار من التصديق. يقال آمنت بكذا إذا أقررت به إقرارا جازما. En fait, il a dit, التصديق c'est beaucoup plus profond que الإقرار. الإقرار c'est de confirmer ou d'affirmer une chose, c'est-à-dire que c'est la véracité de la chose, c'est beaucoup plus profond en termes de sens et en termes de comment on appelle ça, en termes de profondeur du terme. Il y a plus de d'impact que l'affirmation. C'est pour ça qu'après il a donné un exemple. Amen tout bikada, j'ai cru en ceci. إذا أقررت به إقرارا جازما. Donc, c'est quand on dit, par exemple, l'exemple qu'il a donné, c'est j'ai cru en ceci, ou je crois en ceci. Quand tu dis ça, c'est que c'est par conviction. إذا أقررت به, j'ai la conviction de ceci, إقرارا جازما, d'une conviction totale. Si ça va, vous. Alhamdulillah, si ça va pas, n'hésitez pas à m'arrêter. Comme j'ai dit, des fois j'essaie de revenir, de retraduire et de reprendre, de reformuler de différentes manières pour qu'on mâche un maximum et que ça soit accessible et compréhensible. Donc là, la première traduction, c'est linguistiquement. Comme vous venez de vous en rendre compte, à chaque fois ça fonctionne comme ça, les livres de science, je pense qu'à un moment donné, vous allez commencer à être habitué. Il y a la traduction ou l'explication ou la définition dans la langue linguistiquement, et ensuite dans le shara. Dans le shara, c'est dans la législation islamique. Shara, donc dans la législation, qu'est-ce que ça veut dire al-iman? Al-iman huwa tasdiq bil qalb. Al-iman dans la religion, c'est dans la législation religieuse, c'est la véracité. Tasdiq du cœur. D'accord? Tasdiq bil qalb. La véracité par le cœur. La conviction par le cœur. Wal iqrar bil lisan bi shahadatayn. Et al-iqrar, c'est l'affirmation. C'est ce qu'on disait juste un peu plus haut. C'est l'affirmation par la langue. Par le fait de faire la shahadatayn. Donc de dire ashhadu an la ilaha illallah. Wal a'mal bil jawarih. Les actions du corps. l'information, si vous la voulez, elle est tirée de Lisan al-Arab. C'est un livre. Bon, je pense pas que je préfère même pas vous le donner parce que il est trop long. C'est même pas un livre. Ouais, c'est un livre de langue arabe en fait. Il fait à peu près plus d'une vingtaine de tomes, voire une trentaine de tomes en fonction des maisons d'édition. Et donc, Sharan, dans la législation religieuse, c'est la croyance par le cœur, et le fait d'affirmer par la langue. Al-shahadatayn. D'accord? Wal-a'mal bil-jawarih. Et l'action, ou les actions, par la langue. Par le corps, plutôt, excuse-moi, parce qu'il y a quelqu'un en même temps qui m'a appelé. Maqalat al-islamiyin li abi al-Hussein al-Ash'ari wa tabaqat al-Hanabila li abi Ya'la wa al-Shari'a lil-Akh al-Ajuri wa majmu' al-Fatawa li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ah oui. L'Akai. Donc, on continue. On va pas tarder à s'arrêter, inchallah. Bah oui, dans quelques. Oui, c'est ça, l'affirmation par la langue. En disant quoi? En disant un shahadatayn, par exemple. D'accord? Wal iman, idha ja'a fin nus. Bah, quand tu dis un shahadatayn, c'est une affirmation. Tu affirmes. Quand tu fais tes ablutions. Tu fais la shahada, et quand tu rentres dans l'islam, tu fais la shahadatayn. Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadatayn, c'est ça. C'est-à-dire, il y a le mot, il y a des termes qui impliquent que là, en fait, on a affaire à deux mots. Enfin, à deux choses, en fait. Il y a le duel, en fait. On appelle ça al-muthanna. Alors, al-muthanna, c'est le duel. Bon, ça s'écrit quoi, en fait? Pas compris. En fait, c'est de dire qu'il y a deux shahadas. J'ai pas compris l'affirmation par la langue. Après, tu me parles de l'iman. L'affirmation par la langue, c'est par rapport à la foi. Tu dis pas j'ai la foi, en fait. C'est la véracité, c'est dans ton cœur. C'est de croire dans ton cœur fermement qu'Allah est l'unique et le seul créateur de toutes choses et de tout ce qu'il s'est attribué. On va le voir. C'est-à-dire que, en fait, dans ton cœur, il y a Allah. Maintenant, par rapport à tout le monde et en fonction des connaissances ou pas, on a des choses qui sont erronées, des choses qui sont biaisées, il y a des choses qui sont mal comprises, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous allez avoir une conviction qui va être ferme. Donc, ça concerne justement vous allez être un peu plus déterminé ou convaincu et avec des preuves. Ça va consolider votre cœur ou votre foi. Je trouve dans votre cœur. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Al-Iman, donc la foi, quand elle vient, Al-Iman, idha ja'a fi nass, wa lam yutaqarrin bil-islam, dalla ala ad-din kulluhu. La foi, quand elle est rapportée dans un texte et qu'elle n'est pas conditionnée par l'islam, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire dans le sens ça parle précisément d'une action, d'accord? Si ce n'est pas conditionné par une action, quand il y a un texte qui parle de l'iman, comme dans le Coran, par exemple, on va voir des exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Ça englobe toute la religion. Dalla ala ad-din kulluhu. Il implique toute la religion. Ça parle de toute la religion. D'accord? Wa idha ja'a al-iman wal-islam fi an-nass wahid kana li kulli minhumma ma'na. En gros, si dans un texte on parle de l'iman, ça englobe l'islam. D'accord ? Par contre, si dans un texte, un nos, attention, quand on parle de texte, on parle du Coran et de la Sunna, on ne parle pas des paroles des gens. Là, encore une fois, c'est une science qui est rattachée au Coran et à la Sunna. Donc, dans votre tête, dans votre esprit, on ne vise que ces deux choses-là. On ne vise pas les paroles des gens, ni des compagnons. D'accord ? Donc, il a dit, le Cheikh, quand il parle de l'Iman dans le Coran ou dans la Sunna et que le mot Islam n'est pas mentionné, alors l'Iman, il englobe l'Islam et toute la religion. Tout ce qui concerne la religion. Par contre, dans un hadith ou dans un verset, lorsqu'on a ces deux mots présents, l'Iman et l'Islam, ils ont deux sens différents et chacun en fonction de ce qui était amené en argumentation complémentaire. Un exemple. وَيَكُونُ مَعْنَا الْإِسْلَامِ الْأَعْمَلَ الظَّاهِرَةُ. Il y a comme par exemple de l'islam, les actes apparents, parmi les actes apparents. كَالشَّهَدَتَيْنِ, comme la prière, comme l'attestation de foi, ou comme la prière, ou comme le jeûne, وَنَحْوَا, et ainsi de suite. وَيَكُونُ مَعْنَا الْإِيمَانِ, et l'Iman, il est en sens, الأعمال الباطنة. Quand il parle, quand on parle de l'islam, on parle des actions extérieures. Quand on parle de l'iman, on parle des actions intérieures qui sont relatives et qui sont rattachées au cœur. Comme par exemple, la foi en Allah. Est-ce que c'est une foi ou est-ce que c'est un acte apparent? Non. C'est un acte du cœur qui va véhiculer dans ton corps et dans ton esprit. وَمَلَائِكَتَهُ. Qu'est-ce qu'il en est aussi de الْمَلَائِكَتَهُ? C'est quoi? C'est pas une action, c'est pas une action apparente. Comme la prière, comme le jeûne, comme le sadaqat, comme le hajj, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que ce qu'il veut dire par là, c'est que quand ces deux mots sont utilisés, ils ont un sens différent. Quand il n'y en a qu'un seul qui est utilisé, الْإِيمَانِ, il prend en compte الْإِسْلَام. Et donc en fait, ça, il veut dire aussi tout ce qui concerne en fait l'intérieur. Donc quand on parle de l'iman, on parle de quelque chose d'intérieur. Ça va, c'est compris? Alhamdulillah. Comme vous allez voir, avec le temps, en fait, on va commencer à avoir ou être un peu plus précis dans les terminologies, et c'est ce que j'essaie de faire en fait avec tout le monde, c'est que chacun en fait puisse comprendre en fait la différence entre l'iman, l'islam, l'aqida et on va dire l'ibada et ainsi de suite. C'est qu'on adore Allah avec science, comme Allah l'a voulu. Donc, on va s'arrêter là, je pense. Parce que après, bon, déjà ce livre-là, celui qui le veut, il est très très bien. Je vous fais la photo. Je vous conseille fortement parce que c'est la référence que le Cheikh il a pris. Donc de cette parole-là a été tirée de ce livre-là, Sharh Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi. Alhamdulillah, c'est ce livre que je vais prendre la photo. Celui qui veut le prendre, il le prend au moins. Voilà. C'est le livre sur lequel a été tirée cette parole. Combien de C'est le Sharh, l'explication de Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi. Vous allez voir pourquoi en fait on a un certain manhaj, alhamdulillah, grâce à Allah, on essaie de trouver vraiment les livres de référence et de base et de suivre en fait al-manhaj al-qudama, la voie des anciens. Parce que la voie des anciens, grâce à Allah, elle est pure. Si aujourd'hui on a encore ces livres-là, c'est qu'Allah a mis la baraka et du khir, et qu'ils ont été étudiés et ils sont enseignés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on essaie de faire la même méthodologie. Et donc on voit bien, là on a un livre d'un égyptien, d'accord, qui a tiré des leçons, qui a tiré des enseignements de ces livres-là. Donc alhamdoulilah, je les ai, et c'est pour ça aussi qu'on est en train de faire les livres de l'imam al-Nawawi. Le livre que je vous ai donné aussi la dernière fois, c'est le Sharh de l'imam al-Nawawi, des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et là, on est dans le domaine de l'aqida, mais ça a été un livre qui a été, il y a plein de passages qui sont tirés de ces livres-là. Donc celui qui veut se le procurer, c'est un très très bon livre. Il est expliqué en fonction des maisons d'édition en 2 ou 3, 4, 5, 6 volumes. Et c'est un très très bon livre. En tous les cas, vous avez la référence de ce livre-là. Ce livre-là aussi, je vous le conseille franchement. Alors on va s'arrêter, Inch'Allah, ici. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله يحفظكم كما je vous dis à mercredi pour certains et à jeudi pour d'autres. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.